opportunité. Ne leur laisse pas une chance, comporte-toi en guerrier. Car c'est une guerre évidente que tu dois mener contre ces gros bourgeois de l'estérol enrobé. Hey!